Chapitre 11e. Mauvaise fin de repas. Mon cher docteur, dit Fouinard en venant reprendre sa place pour le dîner à la table de famille, en face de la jolie Berthe et auprès de la bonne Madame Baladier, je vous avertis que je ne m'en irai pas trop tard, car je ne puis profiter de votre auto que vous avez mise si gracieusement à ma disposition. Et pourquoi ? Je suis allé l'examiner tout à l'heure avec Jean, le Watman. Eh bien, nous en a pris. Un des principaux organes est faussé, et nous aurions couru grand risque d'une de ces embardées où on se tue. C'est incroyable, la machine est presque neuve. Votre Watman était stupéfait lui-même. On dirait qu'un malveillant est passé par là. C'est peu probable pourtant. Enfin, il faut une réparation et l'auto ne serait pas prête pour ce soir. Je vous remercie tout de même de l'intention. Mais que ferez-vous ? Mais ce que fait tout le monde, je prendrai le tram et le chemin de fer. Madame Baladier, bien entendu, n'avait pas bronché. Fouinard, se tournant vers elle, dit « J'ai vu passer de ma fenêtre un jeune homme qui se rendait chez vous. C'est monsieur votre fils, à ce qu'on m'a dit. Vraiment un beau garçon. Je vous en fais mon compliment. Quoi ? Gustave est venu aujourd'hui ? » fit le docteur d'un accent de colère. « Oui, oui, j'avais à lui parler et je lui avais envoyé une dépêche. Oh, vous savez, docteur, ne prenez pas votre air méchant. Il est bien changé, il travaille. » Vous savez, avec l'âge, les caractères se modifient. Tout est possible, dit le docteur, et on causa d'autre chose. Madame Baladier ne se lassait pas d'interroger Fouinard sur les choses du théâtre. Pourquoi l'avez-vous quitté ? Ah oui, je sais, vous aviez été mêlé à une affaire dans laquelle, je vous demande pardon, vous aviez joué un rôle de policier. Dites de Mouchard, fit gracieusement Fouinard. Oui, une idée qui m'avait pris de sauver un innocent et de faire pincer une canaille. Mais c'est très beau, cela. Fit Madame Baladier, souriant plus que jamais. « Est-ce que vous avez abandonné le métier sans esprit de retour ?»« Pas tout à fait, madame, » répliqua Fouinard, encore plus souriant. « On ne sait pas ce qui peut arriver. Je m'exerce. » « Mais il n'est si bonne société qu'il ne se quitte. » À 9h, Fouinard prenait congé. « Regarde donc le temps qu'il fait, mignonne, » dit Madame Baladier à Berthe. « Ouvre la fenêtre. Il me semble que j'entends pleuvoir. » Berthe se leva et obéit. Elle se pencha sur l'appui de la fenêtre et tenda la main. « Non, il ne pleut pas, » dit-elle en revenant à sa place, « mais le ciel est très noir et on y voit goutte. » « Toi, » pensa Fouinard en regardant Madame Baladier et en clignant de l'œil, « tu viens de donner un signal. Gare à moi. » Il retourna à sa chambre, compléta sa toilette, se coiffa de son melon et revint saluer Madame Baladier et sa fille. Les poignées de main furent cordiales, mais il constata que décidément la vieille chouette avait les ongles bien longs. Quant au docteur, il reconduisit Fouinard jusqu'à la porte. « Tenez-vous tranquille, » lui dit le jeune homme, « ça marche vite, très vite. Rentrez chez vous, et soyez aussi calme que possible. Vous me reverrez bientôt. À propos, vous êtes d'hôpital demain ? » ?»« Oui, de 9h à midi. » »« Il se peut que j'aille vous trouver. » »« Allons, adieu. » »« Une bonne poignée de main. Ayez courage et patience. » La grille se referma. La nuit était profonde, fort peu contrarié par les quelques becs de gaz dont la municipalité était avare. « Attention !» se dit Fouinard, « ouvrons surtout les oreilles !» Mais, loin de se hâter, il marchait lentement, remontant vers la gare par les rues et ruelles, absolument désertes à cette heure. « Bon, ça y est » murmura-t-il, « le gaillard a mis des espadrilles pour me suivre. » Il allongea un peu le pas et arriva en avant d'un bec de gaz qui faisait son ombre se projeter sur le mur. Et il vit, parce qu'il s'y attendait que son ombre n'était pas seule, une autre la suivait de fort près, à le toucher. Et il vit la silhouette d'un bras qui se levait. Encore une seconde et Fouinard recevait un coup de couteau entre les deux épaules. Mais instantanément, il s'était jeté à terre, à plat ventre, et reculant à quatre pattes avec une incroyable rapidité, il vint passer entre les deux jambes de celui qui était derrière lui. L'homme, l'agresseur, tomba de toute sa hauteur en avant, en poussant un épouvantable juron. Mais Fouinard ne s'attarda pas. Le laissant à sa déconvenue, il s'enfuit à toute vitesse. Justement, un train partait. Fouinard s'y jeta et dans le wagon de troisième classe qui l'emportait. L'endroit était peu propice à une explication, n'est-ce pas, Justine ? Nous retrouvons le bonhomme tout à l'heure. Il était 10h quand il arriva à Paris. Il faut lui laisser le temps d'organiser sa tanière, ou je vais arriver après lui. J'ai le temps de passer chez moi faire un bout de toilette. Fouinard monta chez lui. Quand il redescendit, sa portière gronda en le voyant passer. « D'où qu'il vient, cette apache-là » Il sauta dehors et alla un taxi. Rue de Crimée, dit-il, je vous arrêterai.